J'espère que tu ne peux pas supporter la méchanceté. Que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres. Non pas ce que Dieu a établi apôtres. Ici on a découvert que la manière dont il s'est présenté est tout ça ne venait que Dieu-même. Tu as éprouvé ce qui se dit apôtres, mais qui ne sont pas. Et que vous les a trouvés menteurs. Et que vous là, vous venez voir un endroit où cela est fait. Oui. C'est toujours grâce au même Paul que nous retrouvons les traces. 2 Corinthiens chapitre 11. Voilà ce qu'il dit, c'est sur verset 5 d'abord. Oh, premièrement il dit, verset 1 et 2. Longo, oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, c'est même que le serpent se disait Ève par sa vie. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qui peut nous détourner dans la foi, dans nos convictions, dans notre espérance, toujours les agents du diable? Vous venez à l'église pour aller au ciel, mais vous venez à l'église pour détourner ça. Pour les amener à la perdition. Ce sont des sorciers. Amen. Qu'est-ce que le magicien voulait faire? Détourner. Ni ne m'entendez pas parler comme cela. Pour nous consulter le Seigneur juste Paulus. Mutuana Paulus. Il voulait les détourner. Ici, que nos pensées ne soient détournées. Et puis quand c'est qu'on a connu moi. Pourquoi on a connu Sambela? Et pourquoi Sambela ben a connu Yesu? Mais on se rejoint de la liste au cala. Quelle désillusion. La base de l'ennemi. Tout ça parce qu'il y a des fils du diable. Oui, des gens à banne, diable. Qui font intrusion parmi le peuple de Dieu. Qui entre avec l'intention de détourner les âmes. Il vient avec l'intention. Ce n'est pas votre salut qu'ils veulent. Le but de la vie, c'est une façon de vous endormir. Ah, ça, le but de la vie, c'est une façon de vous déjà piégé et lié. Alors, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Pour savoir qui vient de vous. Ce n'est pas parce qu'il parle du message. Ils ont fait pour la journée de la vie. Méfiez-vous de tout ça. Le diable est un grand stratège. Pour les gens qui travaillent, il m'a bien dit. Il dit que vous ferez un message à vos enfants sur la stade. Ah, que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Pour nous, on a fait. Encore une fois, on a fait un peu de temps. Espérance et paix. Rigueur et longue. Pourquoi ça ne va pas compromis? C'est comme ça. J'ai laissé aller. Bon, on a dit que c'est grave. Oh, mais est-ce que ça, c'est grave? Bon, on se retire à mes soumets, on a dit que il va n'a pas de ce côté de la le il fait. Attends, pour le cas, il y a un et bon, moi, c'est un frère Brennan, bon, on va le côté, si on a dit, il y a un ami, voilà ces gens-là. Ça va pas toi, là. Si je peux que ça va pas tomber, là, je vois là. Amen. Ce sont des envoyés du diable. Ça va tout le monde, c'est la foi. Pour la colonne, on va comme une manière. Amen. C'est pas une façon de dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que les gens veulent bien ça, là? Est-ce que vous avez un salaire comme vous qui êtes un homme qui est un homme qui est celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, si la parole dit soyez naturel, commencez par ça. Attends-moi, brillant, mouké, comment est-ce qu'il a engagé, il y a ces caca bonnes. Attends, faut péter mouké. Est-ce que bon, on s'en faut tenir rigueur pour rien, moi? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangez pas de tous les arbres? Vous voulez le manger, nous sommes. Est-ce qu'après que c'est vraiment nous? Non, mais vous, après que c'est vraiment nous? N'a pas rouge à lèvres, après que c'est vraiment? Attends, pas d'ici, on m'a mis, wana. Est-ce qu'après que c'est? Dieu a interdit. N'a pas fait que c'est. Nous serions des croyants fidèles. Amen. Il ne commençait pas à dire, oh non, mais après tout, il n'y a pas de verset. Nous croyons. Amen. Ah, on se voit au Ghana. Malibanda Kuna. Diable, non, sérieux, on a le tango. Nous, on était ambiance au Ghana. Pasteur, avant de se gâter. Ils ont une gravité. Qu'on a une gravité. Avant de se gâter, on a fait un peu de temps. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il croit à lui, hein. Est-ce que Brian est votre salon? Tout est permis, mais tout n'est pas ici. Tout est permis, mais tout n'est difficile. Ça édifie ma foi en quoi? Maintenant, ma foi l'éteint. Il y a mon égo, pas là? Il n'y a pas mal à pas mal. Amen. On le dit amen. C'est toujours vouloir détourner. Et ça vient sans la pensée. Dit, je crains que vous pensez. Ah, mais c'est quoi? Et ça. Donc, virus, c'est mon gros diable. À quoi dit ça, mon gars, ça m'a dit, c'est un virus. À quoi dit ça, mon gars? À corrompre, mon gars, c'est à quoi dit ça, mon gars, c'est un gros diable. C'est face à stratégie. Ne lui ouvrez pas la porte. Ne lui donnez aucun accès. Personne ne va vous quitter. Amen. Amen. Restez simple. Soyez humble et modeste. Soyez naturel comme dit le message. Amen. Dieu va se faire. Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Amen. Regardez des gens. Dieu a fait de Paul l'apôtre. C'est pas sa propre volonté. C'était la volonté de Dieu. Dieu l'a mandaté clairement. Il lui a donné les directives clairement. Après ce qu'il voulait faire. Mais des gens viennent. Ils rencontrent les croyants. Ils sont dans la pandémie. Alors, ils sont là. Bikama, miracle, salaba, démonstration. Salaba, visite de la madame. Et tout ça. Est-ce que Paul t'a dit que nous avons fait la volonté? Akane, apôtre gagné. Il y a apôtre moi là, il y a combo. Bah, vrai apôtre dissonné. Au moins, nous savons jamais que ça. Gaka n'est pas sur tout ça. Défaut. Bah, un coup ça. Qui démontre aux croyants. Vous avez compris, c'est la manière. Le vrai apôtre était un faux. Était. Thomas est sur les acquis. Ouais, écoute. Vous voyez, je suis peuple pour celle et rosa. Moi, il n'y a pas eu de beaucoup de continuer à venir sur le roi. Il dit quoi? J'estime, moi, Paul. N'a pas été un gars, que je n'ai rien. Je n'ai été inférieur à rien. À ses apôtres par excellence. Au bas de l'apôtre présent, apôtre et sol au sol. Oh, les imposteurs. C'est vrai. Et sur eux. Il descend. À qui dit? Au verset 13. Nous l'envoie les hommes à 15. Ces hommes-là. Sont de faux apôtres. Ils ont travaillé, ils ont fait des miracles, ils ont prêché l'évangile. C'était impressionnant, c'était impactant apparemment. Mais ils étaient de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Mais des menteurs. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Et il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Satan et les démons qui sont loin, ils peuvent venir prêcher la justice, vous enseigner à être juste et correct. Satan et les démons qui sont loin, ils peuvent venir prêcher la justice. Ajoutez-le même répandu. Mais diable, dites-moi, Judas n'était-il pas un démon? N'a-t-il pas prêché la repentance? N'a-t-il pas fait des miracles? Dans une fonction temporaire. Le Seigneur qui lui a donné le titre d'apôtre. Mais sa nature était démoniaque. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de la justice. L'air fin sera selon leurs œuvres. Amen. Or ça, c'est la remarque que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Or c'est les apôtres par excellence qui sont mentionnés chez les Corinthiens. Ils étaient passés également à Éphèse. Et le même esprit de Dieu qui était en Paul et dans le coin d'Éphèse les a détectés. Lisons pour terminer. Comment ont-ils fait ce travail? Dans l'exposé des états de l'église. Chapitre 3. Nous prenons le paragraphe, la page 83. C'est l'étape. Chapitre sur l'âge de l'église de Fès. Page 83. Je me relis ceci. À partir du premier alinéa. Verset est répété. Apocalypse 2, verset 2. Et Dieu dit qu'ils ne sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc leur fonction, leur titre d'apôtre, c'est une parole de mensonge. Quelle affirmation directe. Mais comment dire? Tu as éprouvé ce que s'est dit apôtre. N'est-ce pas présomptueux cette façon de faire? Le ministère le plus élevé, l'appel le plus élevé. Mais vu d'apôtre. Il a trouvé des fidèles des chrétiens qui ont osé éprouver ça. Et détecté après examen, la question posée, n'est-ce pas présomptueux? N'est-ce pas trop osé? Ça donne l'impression, non? Alors, quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce que se dit apôtre? Non. Vous prenez un titre qui est dans le royaume de mon Dieu. Aussi, comme je ne peux pas laisser ce titre être profané. Cette fonction ne doit pas être vulgarisée. Elle doit être protégée. Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce que c'est les apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. J'aime ici dans Galates 1, verset 8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est celui que nous vous avons déjà prêché. Et le soit à la tête. Voilà le test. Galates 1, verset 8. Les talons, messieurs, c'est quoi là-bas? C'est l'évangile. Il a déjà été enseigné. C'est ça l'état aux mesures. Vous n'allez pas prendre vos idées, vos opinions. Mais moi je pense que moi je trouve bien. Mais c'est l'évangile qui doit éprouver ces gens. C'est ainsi que le frère Branham a répété plus d'une fois. Tout le ministère. Que ruinerait l'évangile. Mérite d'être ruiné. Et c'est ça. Amen. Ministère nous sur le sang au malade pour bénissaka et bongi et bénissama. Amen. Sang au malade et catantina. Amen. C'est l'évangile. Sang au malade. Pas l'homme, mais la parole. Mais à travers vous. Parce que Dieu vous a dit de le faire. Dieu vous dit de le faire et vous mettez la parole en avant. N'aimez pas ta chair en avant, tes sentiments, tes opinions, tes appréciations, tes amis, mets ça de côté, prends la parole, mets au-dessus, ok. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Et cette parole originelle ne pouvait pas changer. Pas même d'un seul point, d'un seul tiré. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Hein? La fonction d'apôtre, de serviteur de Dieu qui lui tenait, c'était pas son avis personnel. C'est Dieu qui lui avait parlé. C'est Dieu qui avait fait de lui serviteur de Dieu. Et Paul le savait. C'est vrai. Il savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Et c'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois en anathème. Il a dit ça non seulement pour que les autres, mais même pour que lui. Alors, il a dit ça non seulement pour que les autres, mais même pour que lui. Pas révélation. Oh, il y a une machine de là et nous, je vous ai annoncé, n'est pas venu d'un homme. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais c'était pas une révélation de Jésus-Christ. Alors, est-ce que ce que Dieu a dit peut-il changer? La parole du Seigneur ne change pas. Elle vous assure éternellement. Si moi-même j'essaie de revenir, pour commencer à changer, modifiez-moi. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Voilà. Mais il peut donner une révélation. Puis ensuite, il y ajoutait. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Quand il a promis la semence de la femme. Et qu'ensuite il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Et puis ensuite, qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Dieu pouvait élargir la compréhension des mêmes vérités. Ne pas venir changer ce qu'il avait. Amen. Mais c'était la même révélation. Elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La semence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Et voyez ce que faisait ce faux apôtre. Vous bien, ils apportaient leur propre parole. leurs propres paroles. Ils mettent leurs opinions en avant. Leur manière de voir. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a dit on voit les prophètes, il dit, tu leur diras mes paroles. Il n'a jamais dit à son prophète qu'il va leur dire tes paroles. Non. Dieu fait de ses prophètes ses esclaves. Tel que Paul l'avait enseigné. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils sont regardés ces faux apôtres droit dans les yeux. Fermeté. Face à face. Ok, le goût, il m'a permis, le prédicateur de l'homme est clair, mais ce moment-là, c'est d'accord, hein? T'es né, le bon soleil, face à face. Tourne, mais tourne. Après, ce bien. Dis à nos prophètes, et que ce moment, vous voyez, il a dit, il a dit. Amen. Êtes-vous là? Amen. C'est comme un prédicateur a dit une fois. Le problème, c'est mon problème, qui. Et il est allé même dire ça à la chair. À qui n'est-ce que le problème, tout le pays. Il a fait du bruit pour que je lui donne la chair qui prêche. Mais il n'a pas l'air de prêcher. Autrefois là, un frère est allé le voir. Il a demandé, frère, est-ce que nous voyons vous prêcher? Est-ce que vous pouvez connaître un peu votre appel? Et puis il lui dit, va demander à Dieu. Arrêtez, que nous tout en à ce qui peut ou en athée. Aïe, n'a pas de ma chère. Il y a un frère ici. Il s'en est venu me demander mon appel. Aïe, qu'on s'en est venu. Et je lui ai dit qu'il aille demander à Dieu. N'a pas besoin que retourne en dame. J'ai dit ça suffit. N'a pas besoin. Et conquis. On pose la question. Oh non, mais vous comprenez. Il y a des bruits bien peu. Ça, c'est ce qui est. Quand moi, je l'ai su après, vous avez dit, mais ce que vous avez dit là. Oh non, il y a des bruits bien polis. Et ça, papa, c'est mon souci. Je me prends ma bête. Des bruits bien polis. Papa, c'est vous prenez ma bête. Pour avoir demandé seulement l'appel au bonheur. Oui, frère. Le tombeau. Mais quel est le droit? Il peut me demander l'appel pour quoi? Vous retournez en bête dans la poignée. Merci beaucoup, frère. Attendez, il est con. Bon, nous savons de quel esprit ça. Vous voyez ça? Vous voyez non? Qui ne peut pas supporter les fleurs. Oh, mais qui croyait qu'il a pris côté même cargo. Il est venu plus tard, oh non. Parce que j'ai encore besoin. Dieu m'a mis à faire quelque chose. Oh, merci. Oh, monsieur, tu m'as. Oh, n'a pas dit que nous avons habité ici. Et conquis. Boutique a dit ce soir, il n'a pas de problème. Amen. Nous avons d'abord tiré ça. Amen. Il ne faut pas continuer à nous compliquer la vie. Miséricorde. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Et ils ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc vous êtes de faux. L'église de Fès en fait ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'exemple après? Ils ont utilisé quoi? La parole. Vous ne dites pas ce que Paul dit. La parole de l'heure, le message de l'heure. Vous vous enseignez autre chose que le message de l'heure. Donc vous êtes des faux. Amen. On le leur a dit en face. Mais il dit, face à face. Voilà. Il dit amen. Amen. Amen. Qui se sent capable de faire le même exercice? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Du côté des sœurs, je n'ai pas vu les doigts. Oh, ah, ma tante, pas assez. Par contre, Bundisa, Mili, mon Mabéwan. Non. C'est... Le groupe de sœurs est allé du sauter. Il y a un homme qui m'a dit, tu m'as dit, toi, Moulimalobi, Ces gens-là qui s'opposent à la vérité. C'est les mêmes que Jannès et Jambres s'opposaient à Moïse. Les mêmes que ces gens-là, ils s'opposent à la vérité. Ils entrent dans les maisons et captivent les femmes d'un esprit faible. Alors, Bakao, Bassé, Bande Konangaï, vous êtes co-héritier avec moi du ciel, non? Les femmes d'un esprit faible chargées de péché. C'est pas bon. C'est malin, hein? Le pasteur, c'est pour moi, ici, il y a un peu de l'embellé. Oui. Zala. Combattant. Amen. Kende Tuna. Oh, Gaïne, ça moi. Oh, mais bien, mais vous avez une médicamente. Vous avez une médicamente. Au milieu de la médicamente. Et t'as les pays. Cette affaire, c'est mon sel. Les tambours italiens. Montre la différence que tu n'es pas une femme d'un esprit faible. Dans l'est de tes fenêtres, moi, je suis mon corps. Et mon limo, la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Et bien, il y a mis mon limo. Ce n'est pas pour ça, sœur. Bible nous dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Quand il faut éprouver, nous devons être sur vos gars. Sauf que vous savez qu'on met ça. Ok, là. Il est au commun, là. Mon limo, ma béouana, et séduire moi aussi. Je ne vais pas les résister. Et vous êtes pas trouble dans votre pays. Vous devez être capable de faire l'épreuve en question. Et c'est que nous avons cassé le bénéfice. C'est nous là on est camarades. J'aurais dit que pour ce terme ici, on m'a dit pour la maman de Camus. Nos soeurs, je vous envoie en congé. Wana, on a vu ça aussi. Vous êtes venu ici. Oui, il s'est noté. Est-ce que c'est ce que je fais? Non. Au contraire, je vous accueille avec joie ici. Et j'aime que vous soyez là. Que nous apprenions ensemble. Et que nous soyons capables de faire cet exercice ensemble. C'est un exercice de la piété. C'est une pratique de la sainteté. Il faut éprouver les esprits. Les Éphésiens l'ont fait. Ma cambo esprit faiblard toboui. La femme chrétienne doit avoir la personnalité de la parole. Moi, si mon Christ enseigne, Adam le menga je le bat. Je sais que celui qui a la sœur, mon quoi, mais qui quoi aborder un faux ministre, a tout nié, mon tourné, mon modèle, ouané, ma caméra va faire. N'est-ce pas, mon soeur, qu'on d'aspirer, qu'on mourir, rien à vous finir, yahoo. Mais déjà par cette réaction-là, vous saurez que c'est un faux. On a mal à mon le menga, qu'on va en avoir beaucoup, mais on a mal à les esprits manifestent toujours leur nature. Mais nous, nous sommes les gens qui ont la fille. Là, de la discorde et de la haine, il ne va pas tarder à manifester. Vous voyez? Il répondit. Vous ne dites pas ce que Paul dit. Vous allez coller Paul. Ce que Paul a dit. Vous êtes des faux. Vous allez écouter. Mais Paul les a appris à tester les choses par les. L'évangile. Paul a écouté ce mot. Ce n'est pas par son nom, lui, Paul. Mais c'est par l'évangile. C'est là que ça me oh, cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez la faute. Le prophète. Moussakoli. Et l'enseignant. En réalité, ce n'est pas vous. Mais c'est la parole. Qui les éprouve. Car si nous le vendons, c'est comme des cabarons. Est-ce que tout le monde comprend? Je pense que ce soit là. On utilise la parole, on compare parole avec ce que l'homme est en train de raconter et de dire. Frère Branham, dans les sermons, les soins du temps de la fin, il a commenté le passage de la Bible qui parle des faux prophètes. Jusque-là. Mais plus tard là, le Seigneur a dit, plus bas, il a dit, vous les reconnaîtrez à leur fou. Et dans les sermons, les autres temps de la fin, le prophète dit, le fruit c'est quoi? Le fruit c'est quoi? Il dit, c'est l'enseignement de la saison. La parole de l'heure de laquelle Dieu. Est-ce qu'on apporte un enseignement dénominationnel? On apporte le message de l'heure. À sa vraie place. Vous voyez, il y a des gens qui apportent le message de ces temps. Mais en contradiction avec Paul et Pierre avaient prêché. Or, le messager de notre temps, quand il a apporté son message, il a pu dire même dans l'au-delà, j'ai prêché exactement comme Pierre et Paul. Maintenant, pour vous aider, vous, parmi les croyants du message, à détecter le faux ministre, ne se limite pas aux brochures qui sont lues. Mais il faut bien que ce qu'on nous lit à partir des brochures puisse correspondre avec ce que Paul et Pierre avaient enseigné. Mais qu'un individu disloque la parole. Ancien à partir des brochures. Ce que Paul et Pierre avaient enseigné. Un frère m'a dit, mais vous, tel que vous présentez les choses en insistant trop sur le message, mais comment vous pouvez donner l'impression que le prédicateur de ce message est un vrai ministre? Il dit, faux, tu comprends le travail. Ça ne peut pas être ça. Tout prédicateur de ce message n'est pas forcément un vrai ministre. Mais nous devons être les premiers esprits. Et ce n'est pas le cas de dites-moi, ceux-là qui prêchent pour Canada, ils sont les vrais ministres. Ceux qui prennent les brochures de Branham pour nous dire qu'ils connaissent la date du retour de Christ, c'était le 28 février 1963. C'est faux. Parce que la Bible dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Nous voyons dit qu'à ça nous connaissons pas tant. Personne ne sait. Et Branham dit que ceux qui disent qu'ils le savent, ils mentent. Personne n'est menteur. Là, il te dit, vous connaissez le 28 février 63, il ment. Il ne le sait pas. La vérité qu'il ne le sait pas. Mais qu'il faut citer Naïe, les jours le mystère Naïe. Bosolani. Amen. Tolingi bosembo na Zambe. Amen. Bosolo ya Zambe. Amen. Zambe apambolongo na mitema na bisi. Amen. Tokokoba le dimanche. L'exemple de l'épreuve ministérielle chez les Apaisiens. Vous voyez qu'ils n'ont pas mandiné. Non. Et mercredi, nous avons entendu que c'est notre devoir. Nous sommes cette affaire d'examiner tout faux. C'est notre devoir à nous tous. C'est vrai. C'est notre devoir à nous tous. Il faut éprouver. Il faut vraiment éprouver. Dans l'ancien temps, c'était ça. Quand vous allez dans Jérémie 29, la parole dit ceci. In extremis. Au verset 26, l'Éternel t'a établi. Je prends le verset 25. Non, verset 24 à 26. Tu diras à Shemeja. N'est-ce l'amit. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom. À tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Masécha, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel Yahweh t'a établi sacrificateur. À la place de Jéhojada. Nesika na Jéhojada. Le sacrificateur. Nganganzambe. Afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel. Merci d'être Nganganzambe. Des inspecteurs. Batmongoti. Pour surveiller. Pona koyange. Tout homme qui est sous. Moutouno. Et se donne pour prophète. Moutouno sans aline. Moulé ma pas. Allez, combien pas de le col là. Moutouno. Et afin que tu les mettes. En prison. Et dans les fers. Il faut qu'il y ait des. Parce que il est tout talisé, tout la macabre. Nous attendons lui a non. Dès le début le lomawa. Singe là, toi y est la macouane. Toi qui va côté la tabernacle. Toi qui va y côté la bande de la mission église à ta visite en date. Toi que quel est la bande. Total, est-ce que vous avez un bon matin? Votre mission est de faire des bannières et de craquer avant de prophète. Ça n'a pas fait ça. Vous avez un ami? Mission est de faire malade à Moutou. Mais réchauffer, vous avez un bon matin. Et vous avez un bon matin? Vous avez un prophète, vous avez un bon. Surveillez tout ça. C'est la mission. Votre mission est de faire des bannières et de craquer. Continuez à vous quand vous avez un bon matin, vous avez un bon. Si c'est fait, vous avez un bon matin. Ces hommes qui sont fous, mais qui se présentent comme des prophètes. Qui se disent prophètes. Allez-vous les suivre? Surveillez l'état même mental de certains. Tout le monde est dit, bon matin. Tout le monde est tout le monde. Est-ce que vous bandit le bon matin? Vous bandit le bon matin? Peut-être que la tête commence à sonner. Donc, moutou zombé ta makasse, mou pangé à oiseau, comme ma toi, il est maquillé. Et puis après, Dieu m'a parlé. J'entends des voix. Vous voyez, Akoyawa bete roba makambo. Oh, nyo ki bwa yu se kai boye. E san san mo ni ko kete. Di bo mande bandi. Le fi yefu. O ben na joso. Le fou, ils ont des perceptions sans objet. Ma bonne pelle da bazana. Ako fanda ka ka olivi. No, na mande yimo mokele diawa. E sa prezi nga le kufa. Di bo mande se bandi. Ba me maye na sene pepe, le to go yeba. So ki moutoune esana, o mali tue se shona. Vous savez bien, déjà qu'on fait un ménage pour faire le pour vérification. C'est là parce que vous avez un ménage qui va faire l'examen aussi. Est-ce que Moutou les autres sera bien? Que Dieu nous aide. C'est à cause de ça que même les différentes dénominations, avant d'admettre les prédicateurs, ils ont fait un test psychiatrique. Ce qui est bon, c'est ça qui est normalement. On ne veut pas accueillir de fou à la terre. Ton invitation est malipomane et toi. Que Dieu nous aide. Nambasunga biso. Mais biso n'a qu'à un message. Le gros de tout ça, et le gros de Brana m'a terminé l'ango. Hein? Bah, monsieur, si vous voulez, bah, ça m'a bon moment. Bah, y'a qu'à Kakabongo, et puis, tout le monde est venu là-bas. Pourtant, frère Brana m'a dit que Dieu, quand il a pris le contrôle de quelqu'un, Satan est venu le posséder. Satan est venu le posséder. Un homme. Qui est rempli du Saint-Esprit. Non, Dieu les gardera. Pour qu'ils ne tombent pas. Amen. Pour protéger l'honneur du message. Pour protéger l'honneur du message. Alors, ceux qui ont battu pour Fanny, ils ont dit il y a solo. Beaucoup tout le monde. Et pour ça, c'est parce que les âmes sont si malades. Amen. Toi aussi, c'est Dieu qui t'a tenu. Alléluia. Aie confiance que rien de pire n'est arrivé. Je vous ai donné le pouvoir. A dit le Seigneur notre maître. Le saisir les serpents. De marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Attachez-nous bien les négociations de nos côtés. Amen. Tout ça n'a pas beaucoup d'assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner pour la prière maintenant. Je vais vous donner pour la prière. Oh, Pénénaïo numéro 7. Pénénaïo Motuyemwa Sambo Azali Na se pele botomo awanga na mbembo ete na moni loboko na zambe ina ipendo nange izali pona hoye mabonzi si azale oh azale azali azali oh aleluya azali Compte sur lui. Que lui te guide. Pour discerner le mal. Discerner le faux esprit autour de toi. Le spine, le ronce. Le triage et tout. L'esprit de Dieu te révélera cela. Les esprits faux qui te veulent du mal. Dieu te les dévoilera. Il vous révélera les choses cachées. Il est le Dieu de votre salut. Amen. Et le garant de votre protection. Amen. Nous prions chacun maintenant. Dieu tout-puissant. Ce soir encore une fois, nous t'adorons. Nous te vénérons. Oui. Nous te glorifions. Amen. Nous te sanctifions, Seigneur. Pour ta parole que tu nous envoies. Amen. Tu as répondu ainsi à nos prières. Amen. Pour entretenir nos âmes. Amen. Et édifier notre foi. Amen. Pour nous encourager à faire le bien. Amen. À être agréable à Dieu. Amen. À nous mettre en garde contre le mal. Avec ses démons. Amen. Et leurs onctions. Amen. Nous avons besoin du vrai Dieu. Nous avons besoin de vrais dons. Nous avons besoin de vrais ministères. Ils viennent de Dieu. Oh Père, assiste-nous efficacement. Dans les différentes épreuves, c'est toi celle que nous comptons mieux. Amen. Comme il est écrit, donne-nous le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, c'est toi Dieu qui dois sortir avec nos armées. Qui doit nous fortifier au front. Amen. Garantir notre victoire. Même que Jésus-Christ avait vaincu, nous voulons pareillement vaincre. Dans chaque bataille, chaque situation. Que mon esprit repose sur chacun de nous. Que mon esprit remplisse nos hommes intérieurs. Que mon esprit remplisse nos cœurs. Et soit notre guide. Qui nous donne la force et la capacité. Et nous rend capables. De faire ce que naturellement nous ne pouvons pas faire. C'est la paix pour Ézéchiel. C'est la paix pour Jérémie. C'est la paix pour Amos. Ils étaient humbles devant toi. Les prétentions. Dieu te les a confondus. Les arrogants, il les a confondus. Les vantards, il a trouvé des titres et le droit de l'honneur. Il nous a humiliés même. Il est le même Dieu jusqu'à présent. Ne nous laissez pas tomber aux mains des barbares. Mais épargnez-nous du malin. Mais épargnez-nous du malin. Rassemblez chaque soeur. Fortifie chacun de nous. Pour que vous soyez capable de tout examen. Par la parole sainte. Comme les Éphésiens d'autre part. Pareillement. Ceux-là ont fini leur temps. Leur tranche de bataille. Maintenant, l'heure qu'il faut à l'horloge. Vous avez le temps de croire et n'y s'en va pas. C'est notre temps pour être au front. Et suivre les traces de notre foi. Imiter le bien qu'ils sont prêts. Maintenir la même vérité de l'évangile. Faire parler ce qui est juste. Combattre les faussetés. Combattre les esprits. Soutenir que le Saint-Esprit. Fait que ce monde nous croit que le Saint-Esprit. Aide-nous chaque jour. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Aide-toi, mes soeurs aussi. Armé davantage. De la timidité. De tout complexe religieux. Tu les mettrais derrière. À la traîne de pervers. Mais que chacun ait le courage de la foi. Lorsqu'il y a des questions qui méritent d'être posées, et qu'il y a des choses qui méritent d'être remises en cause, que chacun trouve l'édification personnelle en posant les questions à qui des droits. Le vrai Seigneur. Que nous n'éprouvons pas les étrangers. Et tu as comme car ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Ceux du dedans. Mais nous sommes fréquemment visités. Et parfois, à l'occasion de rien, un son bizarre peut sortir. Ainsi, nous ne nous laisse pas louper. C'est ça. C'est une occasion de faire ce qui est juste. Protège son église. Donne-nous les esprits forts. Comme Paul avait demandé. Mais quoi la Paul enseigne qu'il soit délivré des incirconcis. Amen. Il était dans la Judée. Des faux croyants. Des faux frères. Délivre-nous, Seigneur. Amen. Tous les faux ministres sont des faux frères. Amen. Des pervers. Amen. Des fraudeurs. Amen. Des riches et des malins. Amen. Le Seigneur. Tu as promis ta sagesse. Ma sagesse qui s'est inspirée. Pour faire face à l'adversaire. Donne-nous cette sagesse. Pour sa vie saut. Dans les frères et dans les sœurs. Dans toute l'église. Nous voulons que nous de manière à te plaire. Pour ça, la première comme nous nous nous abandonnons à toi. Pour que ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen.